Exercice 12. 1. Tu es inscrit à l'université, toi ? Oui, je suis inscrit à l'université. Regarde, j'ai mon papier. Et toi ? Pas encore. 2. Ah, regarde ! C'est Madame Belkacem, la nouvelle professeure. C'est la prof de quoi ? C'est la professeure d'histoire. 3. Tu viens comment à l'université, toi ? Je viens à pied. À pied ? C'est long, non ? Pas du tout, seulement 10 minutes. 4. Bonjour, je viens inscrire mon fils au cours de dessin. Bonjour, oui, bien sûr, asseyez-vous. 5. Bonjour, entrez. Je vous présente Carla, la nouvelle élève. C'est son premier jour. Bonjour tout le monde.